En gallois, c'est gochor e brein, dir arir, caer keni bei ef artir, rukiwin, ierthi ig disur, ig kinor gwennor guarderir. Donc, il nourrit des corbeaux noirs sur le rempart d'une forteresse. Donc, en gros, c'est une élégie à un guerrier qui s'appelle Guardou. Et on nous dit, caer keni bei ef artir. Littéralement, c'est « though he was no Arthur », mais en anglais, ça a un sens, le même sens qu'en gallois, que ça n'a pas en français. En fait, c'est plutôt « si... mais il ne valait pas Arthur », même s'il ne valait pas Arthur. Ce n'était pas un Arthur. Voilà, il n'est pas un Arthur. In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. Excalibur! What is your name? It is Arthur, king of the Britons. What? Your quest to seek the Holy Grail. Il me dit oui, tatati, tatata. Where are you? Le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente. Quoi? Vous nous avez jamais parlé de ça? Pardon? Il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance. Oh non, mais vous vous foutez de moi. What is the secret of the Grail? Who does it serve? Does it serve? Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 1, Though He Was No Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus, une émission sur la littérature arthurienne. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors, cette émission a pour but de passer en revue un peu la littérature arthurienne, les légendes de la table ronde, etc. Des premiers textes qu'on va examiner aujourd'hui jusqu'à nos jours. On a du cinéma, du théâtre, des comédies musicales, n'importe quoi. Et on espère y arriver, faire 500 épisodes sur Kaamelott et ce genre de choses. Moi aussi, on arrive jusque-là, oui. Alors, Rex Quondam, Rexque Futurus, c'est-à-dire roi une fois, roi à l'avenir ou dans le futur. C'est quelques mots latins qui, d'après Thomas Malory, dans sa mort d'Arthur, étaient inscrits sur la tombe du roi Arthur, car en effet, certains croyaient que le roi Arthur n'était pas mort et qu'un jour il reviendrait régner sur la Bretagne. Et depuis plus de 1000 ans, ce personnage et son univers fascinent au point que, encore aujourd'hui, on a des œuvres qui sont écrites dessus. On a près de 1000 ans d'œuvres dessus. Ouais, plus que 1000 ans d'œuvres, je dirais. Si on remonte assez loin, on a 1500 ans pratiquement. Ouais, 1500 ans d'œuvres dessus, mais ce n'est pas vraiment un corpus unifié. C'est plus comme si on avait 1500 ans de fanfiction sur un personnage qu'on ne connaissait pas de première main. En effet, il y a bien des personnages récurrents, Arthur, Guenièvre, ses chevaliers, mais leur relation change tellement d'une œuvre à l'autre que la chose qui unifie vraiment ce corpus arthurien, c'est le décor, le cadre, la cour légendaire de ce roi Arthur. Et dans le générique, vous avez pu entendre Arthur se présenter. Je suis Arthur, le roi des Bretons, je cherche le Saint Graal. Mais le Saint Graal, dans les textes qu'on va voir aujourd'hui, n'existe pas encore. Et Arthur n'est pas encore roi. Et même certains des personnages qu'on va voir aujourd'hui, qui sont ces défenseurs des Bretons contre les invasions saxonnes, ne s'appellent pas Arthur. Ygoveddin. Un poème gallois est la première mention d'Arthur. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec la Gododin. Ygododin. Ygododin. Alors, c'est Antoine qui sera le référent pour les prononciations des langues... Celtes, je ne suis pas sûr que ce soit idéal, mais enfin, on va tenter le coup. Pardonnez-moi si vous êtes gallois ou irlandais ou écossais par langue gaélique. Je m'excuse d'avance. Ygododin, c'est un poème, enfin plutôt plus précisément une série d'élégies, des poèmes racontés à la gloire de héros, en principe morts, enfin... surtout mort. Il est écrit en partie en vue, en partie en moyen gallois. Enfin, on parle de gallois, mais le poème, vu l'époque, n'est pas écrit exactement en gallois. Il est écrit dans un dialecte originellement qui était plus proche du vieux cambrique, parce qu'il n'a pas été écrit au Pays de Galles. À l'époque, les Bretons disposent encore d'une assez grande suprématie sur une bonne partie de l'île de Bretagne. Et les Gododin sont un peuple qui vit au sud-est de l'Écosse, au nord-est de l'Angleterre, entre le Northumberland et le Lothian écossais. Et ils s'appellent donc les Gododin, les Votadini pour certaines sources latines. Et ils combattent les Angles de Deira et Bernicia, qui sont les royaumes qui vont donner naissance à la Northumbrie, justement, autour de 600 après Jésus-Christ. Alors le poème est traditionnellement attribué à un barde qui s'appelle Aneirin, qui était peut-être donc à la cour des rois britanniques d'Écosse ou du nord de l'Angleterre. Et ce titre, en fait, ce nom d'Aneirin, nous vient du manuscrit qui contient le poème, le livre d'Aneirin. Le manuscrit date de la fin du XIIIe siècle, mais le poème est évidemment beaucoup plus ancien. Par analyse linguistique, on peut remonter... Alors c'est très sujet à débat. On remonte entre le peut-être la première, deuxième moitié du 7e siècle, peut-être plus le 9e, 10e siècle. Tout dépend en fait si vraiment ce vieux et ce moyen gallois ont bel et bien été modernisés et traduisent une source plus ancienne. Mais alors, pour la littérature arthurienne, pourquoi est-ce que ce poème est significatif, en fait ? J'ai envie de dire qu'il ne l'est pas vraiment. Vous ne trouverez aucun chevalier arthurien. En théorie, ça se passe à peu près un siècle après l'époque supposée où on va voir Arthur a vécu. Enfin, il est intéressant, je vais vous le lire, en fait, pour trois, quatre lignes dans ce poème. En gallois, c'est « Gochor e brein dir arir, caer keni bei ef arthir, rukiwin ierthi ig disur, Ikinor Gwenor Guarderir. » Donc pour notre audience qui parle le gallois. Alors, je vais vous le traduire en anglais parce que j'ai la traduction anglaise. « He fed black ravens on the rampart of a fortress, though he was no Arthur. Among the powerful ones in battle, in the front rank, Guardur was a palisade. » Donc, il nourrit des corbeaux noirs sur le rempart d'une forteresse, même si, alors là c'est la grande question, même s'il n'était pas Arthur. Parmi les plus puissants dans la bataille, en première ligne, Guardur était comme une palissade. Donc en gros, c'est une élégie à un guerrier qui s'appelle Guardur. Et on nous dit « Caer keni beif Arthur » Arthur, donc le U se prononce I en gallois. Littéralement, c'est « Though he was no Arthur », mais en anglais, ça a le même sens qu'en gallois que ça n'a pas en français. En fait, c'est plutôt « mais il ne valait pas Arthur », même s'il ne valait pas Arthur. Ce n'était pas un Arthur. Il n'était pas à la hauteur d'Arthur, mais il était quand même un grand guerrier. Il a quand même réussi à tuer des gens et à nourrir des corbeaux, voilà. À participer à son écosystème guerrier. Alors, on le voit, c'est si ce poème date du 7e siècle, c'est la plus ancienne mention d'Arthur. Si ça mentionne du 9e, 10e siècle, c'est peut-être... disons contemporain avec les premières autres mentions qu'on a, mais vraiment, 7e siècle, ce serait la plus ancienne. Il aurait été écrit juste après la bataille. Ça veut dire qu'autour de l'an 600, entre l'an 600 et l'an 650, on a déjà un héros gallois, a priori, qui s'appelle Arthur, et qui est suffisamment, suffisamment valeureux, héroïque, connu, pour pouvoir être mentionné comme ça, sans autre mention. On ne dit pas le roi Arthur qui a fait ci ou ça, c'est Arthur. Et on n'a pas tellement beaucoup d'Arthur dans la littérature galloise, donc il serait bien possible, si c'est le cas, qu'on se réfère effectivement à notre Arthur, Arthur de Bretagne. Il y a beaucoup de mentions du roi Arthur dans la littérature galloise à partir de cette date, spécialement autour du 9e, 10e siècle, 11e siècle, ça commence vraiment à devenir très, très, très fréquent. Il y a de nombreux poèmes gallois qu'on ne va pas discuter forcément aujourd'hui parce qu'ils ont plus de rapport peut-être avec la vision moderne qu'on a du roi Arthur. Ils sont déjà, ils introduisent pas mal d'éléments qu'on connaît. La plupart des chevaliers de la table ronde originaux comme Queux ou Bédivère ou Gauvin sont introduits dans ces poèmes. Mais c'est intéressant de mentionner que même avant que ça devienne un mythe français, anglais, c'est déjà un mythe gallois extrêmement formé. Et ça veut dire que c'est un mythe qui arrive extrêmement tôt. Donc on ne peut pas simplement dire « Ah, c'est la littérature arthurienne française ou anglaise qui a répandu ce mythe ». Non, c'est un mythe qui existe chez les Gallois très fortement. Et on va le voir, il se base peut-être, en fait, sur une base historique ou semi-historique, en tout cas, qui remonte justement au 5e, 6e siècle. Donc un personnage qui serait une sorte de leader breton contre des invasions saxonnes. Alors on va le discuter après, hein, mais il y a plusieurs hypothèses. Ça pourrait être un leader, un héros, un personnage semi-légendaire et qui aurait été assimilé à d'autres. Ou alors ce serait possible qu'effectivement une figure de héros très connue pour ses exploits ait été peu à peu transformée en ce héros légendaire à qui on attribue après plein d'exploits dans ce monde et... dans les mondes alternatifs, enfin dans les mondes fantastiques de la littérature galloise. De exiguo et conquesto britannie. De la destruction et conquête de la Bretagne, écrit par Gildas. Mais je te laisse, Laïs, remonter un peu dans le temps pour te pencher sur une source là qui est clairement du 6e siècle. Alors oui, c'est la source d'un certain Saint Gildas. Est-ce qu'il a été sanctifié? Il a peut-être été canonisé. Assez tôt pour que ce soit pas quelque chose de très très... Alors en tout cas, un moine Gildas qui a écrit un traité qu'il appelle De Exiguo et Conquesto Britanniae, donc de la destruction et de la conquête de la Bretagne, qui n'est, comme son titre l'indique, pas très optimiste. C'est un traité qui est pas forcément historique, mais qui se veut historique en tout cas, qui raconte la période qui succède à la fin du règne romain en Bretagne, enfin le retrait des troupes romaines et l'arrivée d'autres envahisseurs et d'autres problèmes, d'autres politiques. Gildas explique notamment qu'il y a des pillages qui sont effectués par les Scots et les Pictes, qui viennent donc du nord, des peuples d'Écosse, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Écosse, et la décision, un événement crucial d'après lui, d'un personnage, un tyran comme il l'appelle, qui est plus tard identifié comme Vortigern, mais pour l'instant il n'est pas nommé, qui a décidé que des Saxons, qu'on devrait amener des Saxons, a priori des mercenaires, pour combattre les Pictes. Et puis lui, il voit ça comme un événement cataclysmique qui a perdu la Bretagne, puisque, bien sûr, ils se sont... Ils sont restés. Oui, c'est une tradition de faire des sermons contre les malheurs des gens qui vivent en Angleterre. C'est une tradition qui a été reprise plus tard. Wulfstan, par exemple, a une fameuse adresse, un sermon du loup aux Anglais, il s'appelait le loup en latin, Sermo Lupi ad Anglos, qui est en fait, il reprend quasiment la structure de Gildas, sauf que lui, c'est un anglo-saxon qui se plaint des invasions vikings. Donc c'est un peu un éternel recommencement qui est très très courant. Donc justement, cette xénophobie menace insulaire peut-être. Donc dans ce cadre-là, il ne mentionne pas d'Arthur. Certains ont pensé que s'il ne mentionnait pas Arthur, qui est pourtant un personnage connu, c'est parce que dans certaines vies de saints qu'on va voir après, Arthur est vu comme pas un très bon chrétien, donc peut-être qu'il l'a omis de son narratif parce que ça ne le servait pas vraiment. Mais par contre, il parle bien d'un noble breton d'origine romaine qui résiste au siège de la colline de Badon. Badon, je pense, ça se dit. Alors c'est ça la question. Est-ce que c'est lui, toute la question. Est-ce que c'est lui qui est mentionné comme étant au siège du Mont Badon, parce que il mentionne Ambrosius Aurelianus comme le chef des Bretons, comme un homme vertueux qui a redonné la force, mais il mentionne le Mont Badon juste après. Et il n'y a pas de connexion. Alors il y en a qui veulent voir une connexion logique, et en voyant dans la séparation en paragraphe quelque chose d'arbitraire et qui en fait simplement on a l'intention de savoir que de dire que c'est Ambrosius, ou alors est-ce que ça implique que quelqu'un d'autre l'ait fait? Dans l'un, dans l'autre, il devait probablement avoir des lieutenants ou des généraux, de toute façon. Donc, ce n'est pas forcément un obstacle pour dire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais Ambrosius Aurelianus, effectivement, est le seul à être mentionné comme luttant contre les Saxons, en son nom propre, en tout cas. Tu veux peut-être nous lire le passage en question En français, alors, Ambrosius Aurelianus devient leur chef. C'est un homme vertueux, le seul des Romains à avoir par hasard survécu au choc d'une telle tempête. Ses parents, qui avaient aussi porté la pourpre, avaient sans doute été tués. De nos jours, ses descendants ont beaucoup dégénéré de la vertu de leurs aïeux. Donc, il a des descendants, donc ce qui est différent de la vision ultérieure d'Ambrosius, justement, on va le voir. Sous son commandement, les Bretons reprennent des forces et provoquent les vainqueurs au combat. Dieu les approuve, aussi ont-ils la victoire. À partir de là, et là, c'est là que ça vient la distinction, est-ce que c'est Ambrosius qui est mentionné là, ou est-ce que c'est un successeur, ou est-ce que c'est simplement un général? Ce sont tantôt mes compatriotes, tantôt les ennemis qui l'emportent. Le Seigneur, à son habitude, voulait mettre à l'épreuve ce peuple, l'Israël d'aujourd'hui, pour savoir s'il l'aimait ou non. Ceci dura jusqu'à l'année du siège du Mont Badon, le dernier massacre peut-être des brigands, mais non le moindre. Ceci se passait, à ma connaissance, il y a 43 ans et un mois passé, c'était aussi l'année de ma naissance. Donc Gildas s'écrit suffisamment près de la source pour qu'on puisse se dire « Ah, disons, il ne va pas être forcément trop dans le fou, à moins que ce soit une œuvre qui soit entièrement falsifiée. C'est probable, ce qui est improbable, parce que Gildas s'écrit en un très bon latin, justement. » Ça a été falsifié par les Arthuriens quand ils ont pris le contrôle de l'Empire romain. C'est ça. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment une source quasi contemporaine, en fait. Il est mentionné, plusieurs vies de Saint Gildas le mentionnent comme ayant vécu ou ayant rencontré à un moment ou à un autre le roi Arthur. Donc ce qui est intéressant, c'est justement il parle des batailles entre des envahisseurs saxons, a priori, et les Bretons insulaires. Ben, il inscrit ça dans un langage qui est théologique, qui est d'une épreuve, comme Israël avait été mis à l'épreuve dans le désert, etc. Le peuple breton est mis à l'épreuve par ces événements. Et il mentionne justement aussi un personnage qui n'est pas Arthur, mais qui est Ambrosius Aurelianus, qui est d'ascendance romaine. Ses parents étaient de moins nobles, classe prétorienne. Sénatoriale. Donc c'est pas encore Arthur, mais il y a clairement cette idée qu'il y a un personnage qui a résisté à ça, qui a été vertueux, qui a défendu l'île de Bretagne et qui a mis un terme, parce qu'il parle d'une période qui dure quand même assez longtemps, et ce personnage met un terme à ses invasions et ses batailles. Voilà, il met un terme pour un temps, parce qu'après les Bretons reviennent. Parce que c'est pas la joie, effectivement. Alors, c'est pas spécialement optimiste. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de sources sur ça. On n'a pas de preuves archéologiques. On sait beaucoup moins sur ça. On sait très très peu de choses sur l'invasion, l'invasion et la conquête anglo-saxonne. La chronique anglo-saxonne nous donne pas d'indices sur ça. Les seuls détails qu'on a sont en fait Gildas et, on va le voir après, Bède, le Vénérable et Nennius qui écrivent en se basant en partie sur Gildas. Donc on ne sait pas exactement à quel degré cette bataille a eu lieu, à quelles circonstances. On ne sait même pas effectivement si elle a eu lieu, mais si Gildas est authentique, elle a probablement eu lieu. Donc ça s'inscrit dans un narratif vraiment fin du 5e siècle, début du 6e siècle. Il y a ces Bretons qui résistent encore pour un temps à l'invasion anglo-saxonne. Et c'est là-dedans qu'on va s'inscrire l'essentiel du mythe arthurien primitif. Enfin, primitif, quand je dis primitif, jusqu'à Chrétien III, même si en théorie, l'idée qui combat contre les Saxons est en fait se retrouve encore beaucoup après. Mais c'est simplement, ça devient de moins en moins une focalisation au fur et à mesure qu'on va le voir que d'autres questionnements arrivent dans la légende. Bon, c'est aussi que voilà, quand ça sera appris par d'autres auteurs, par exemple français, ils n'ont un peu rien à faire des invasions saxonnes. Parce que pas un narratif du... C'est plus leur quotidien, quoi. Voilà, et on va le voir, les anglo-saxons, en fait, n'écrivent pas du tout sur Arthur. Ils n'écrivent pas sur Arthur parce qu'ils n'ont aucun intérêt à écrire sur Arthur. Arthur est un héros breton. Puis plus ou moins un héros nationaliste, un peu. Enfin, voilà, c'est pas un héros qui leur soit très favorable. C'est seulement après la littérature arthurienne est exclusivement le fait de gens celtes, c'est-à-dire enfin, probablement celtes. On ne sait pas beaucoup de choses sur Nennius, justement, parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé ou si c'est un vrai nom. Mais même Geoffroy de Monmouth n'est pas, a priori, quelqu'un d'autre est a priori un moine gallois. Donc, c'est des celtes qui écrivent sur Arthur. C'est des légendes celtes. Et du coup, ça s'inscrirait dans cette idée que c'est émergé de ce conflit décrit par Gildas. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. L'histoire ecclésiastique du peuple anglais, écrite par Bède le Vénérable. On va parler justement de Nennius, mais peut-être avant juste une note sur Bède le Vénérable, donc qui vit d'environ 670 à 735. Enfin, il a écrit une histoire ecclésiastique du peuple anglais, l'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, qui est donc l'histoire nationale, mais vue sous le regard de l'histoire ecclésiastique, pour les anglo-saxons jusqu'à son époque. Et Bède, surtout, va décrire, en fait, les événements de Gildas. C'est intéressant parce que c'est le seul regard vraiment anglo-saxon qu'on a sur ces événements. Et c'est lui qui donne les noms, en fait, des gens impliqués. Le tyran fier se nomme Vortigern. Et en fait, il est probable que Vortigern soit une dérive d'un titre ou soit un jeu de mots sur, justement, cette notion de tyran fier. Mais c'est probable qu'en fait, ce soit son titre plutôt que son nom. Et ce Vortigern qui va inviter ce qui les Saxons connus sous le nom de Hengest et Horsa. Qui sont donc deux frères. Deux frères sont légendaires. Alors, les figures d'Hengest et Horsa sont probablement légendaires ou semi-légendaires, pareil pour Vortigern. Mais, encore une fois, c'est possible que ce soit simplement le fait de mettre un nom, des noms un peu arbitraires sur des gens des qui sont autrement... qui sont vraiment produits. Voilà, c'est ça. On ne connaît pas de nom spécifique, de personnes spécifiques, mais effectivement, il est possible que des envahisseurs, que ce soit comme ça que les Saxons soient arrivés au début. Et du coup, on va leur donner un nom un peu arbitraire. Bède mentionne explicitement la bataille du Mont Badon et il mentionne explicitement Ambrosius Aurelianus, le chef de la résistance contre les Bretons. Donc, c'est lui qui donne également la date de la première invasion en 449, donc... bien avant la bataille du Mont Badon, c'est lui qui nomme Vortigern, on l'a déjà dit, et il s'intéresse surtout, en fait, pas tellement aux détails militaires, donc en fait, il n'y a pas énormément d'autres détails sur lui. Mais par contre, il va devenir une source extrêmement importante, c'est une source de référence absolue pour la plupart des historiens des périodes primitives de l'Angleterre, après. Entre autres, Nennius, justement. Historia Britonum. L'histoire des Bretons. Écrite par Nennius. Sur cette tradition de chronique ecclésiastique qui est représentée par Gildas et par Bède, autour de l'an 800, il y a une nouvelle chronique, l'Historia Britonum par Nennius. Alors oui, Nennius, on ne sait pas exactement qui il est, contrairement à Bède, qui est une célébrité absolument phénoménale dans la littérature anglaise. Nennius est très très peu connu, il est nommé dans le texte, en fait. C'est ça. C'est juste on a une source comme ça. Il nous dit qu'il a fait une compilation de toutes les chroniques qu'il avait à sa disposition. C'est lui le premier vraiment qui va lier les origines troyennes de l'Angleterre. C'est lui qui va faire intervenir ses premiers rois troyens. C'est lui qui va faire intervenir cette filiation à Troie qui va devenir extrêmement courante au Moyen-Âge. Tout le monde veut descendre de Troie parce que c'est un peu les héros dans la guerre. Les héros de la guerre de Troie étaient vus comme les Troyens au Moyen-Âge. On n'était pas pour les Grecs. Au Moyen-Âge, les figures grecques de la guerre de Troie ne sont pas forcément vues sous un œil très positif. Bon, c'est aussi de descendre. C'est aussi justement qu'on s'inscrit dans l'histoire romaine. Voilà, ils ont descendu. C'est comme l'aîné, ils sont aussi glorieux que Rome. Et alors, comme Bède, il va raconter l'histoire de la venue de Hengest et Horsa à l'invitation de Vortigern. Et par contre, contrairement à Bède, il ajoute beaucoup de détails. Et il nous raconte en fait une histoire qui va être intéressante ultérieurement, parce qu'on va le voir, on la retrouve chez Geoffroy après, c'est l'histoire d'Emrys. Donc Emrys intervient quand en fait Vortigern essaie de construire un fort. Le fort s'effondre chaque nuit après sa construction, donc Vortigern consulte des magiciens, des sorciers qui sont ses conseillers, et ils lui disent de chercher un enfant qui serait un enfant sans père, de répandre son sang sur les fortifications, et comme cela, il pourra construire son fort. Alors, il envoie des messagers qui vont explorer tout le royaume. Il trouve un enfant qui dit ne pas avoir de père. Il le présente à Vortigern. Et Vortigern lui demande, justement, lui raconte ce qu'il va lui faire. Et quand il lui demande, l'enfant se moque et il explique pourquoi le fort s'effondre. En fait, sous le fort, il leur dit de creuser et il trouve un lac. Et dans le lac, ils vont trouver deux vaisseaux, probablement deux coques qui sont ensemble et dans lesquels ils trouvent une pièce de tissu. Et dans la pièce de tissu, ils voient deux dragons, un qui est rouge et un qui est blanc. Et ces deux dragons dorment, mais ils se combattent dès qu'ils se réveillent. Et donc, c'est ça qui causait l'effondrement du fort. Si vous savez que le dragon rouge, c'est traditionnellement le symbole des Gallois, vous devinez en fait un peu la prophétie qui est ici. Le dragon blanc, c'est les Anglo-Saxons, et le dragon rouge, c'est les Gallois qui se battent l'un contre l'autre. Il dit s'appeler Ambrosius, donc on a peut-être une... Donc l'enfant s'appelle Ambrosius. Mais il est aussi nommé Emrys, et c'est le nom d'Emrys qui va lui être associé après. Mais Ambrosius, effectivement, originellement, c'est ceux qui connaissent un peu Laïs sur certains de ses pseudonymes sur Twitter savent à quoi s'attendre à partir de là. Et il dit qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il mentionne avoir un père à ce moment-là. Il dit « Mon père est un des consuls du peuple romain ». Donc on ne sait pas vraiment s'il a vraiment un père ou pas, mais il commence à avoir un père à ce moment-là. Alors c'est peut-être simplement son père adoptif. Son père s'est manifesté. Voilà, c'est peut-être son père adoptif aussi. Ouais. On ne sait pas exactement. Donc après cet épisode qui va nous intéresser plus tard... Je suis quand même intrigué sur le fil du récit. Comment est-ce qu'il détermine qu'un enfant n'a pas de père? Alors c'est lui qui le dit. D'accord. Il dit que sa mère n'a jamais connu d'homme. Et il le croit sur parole, en fait. Oui, c'est assez curieux. Si tu trouves un enfant né d'une vierge, d'habitude, je pense que tu dirais un peu plus que « Ah, quoi ? Chouette, on va le prendre avec nous. » Mais bon, il va donc... Nennius va raconter que après sa mort, Vortigern est succédé par son fils Vortimer, qui va aussi se battre contre les Saxons, d'abord après avec quelques victoires, mais après sans grand résultat. Et c'est là qu'intervient... Alors, entre les épisodes, hein, il insère beaucoup de détails des vies de saints. Il mentionne une vie de saint Patrick, une vie de saint Germanus. Et on arrive finalement aux campagnes d'Arthur. Il mentionne qu'après la mort d'Angest, son fils Octa vint du nord de la Bretagne chez les hommes du Kent, donc les Jutes, et que Arthur s'est battu justement contre ses rois, des hommes du Kent. Et il mentionne une liste de 12 batailles combattues par Arthur. La bataille de la rivière Glane, les batailles de la rivière Douglas, dans le comté de Lindsay, la bataille de la rivière de Bassas, la bataille de Caledon Forest, de la forêt de Caledon, la bataille du fort de Guignon et la bataille de la ville de la Légion. Alors on ne sait pas si c'est Chester ou Caerleon au Pays de Galles, mais Caerleon est resté associé très fortement au roi Arthur, comme une de ses cours fétiches. La 10e bataille combattue sur la rivière Trifruid, la 11e bataille sur la colline d'Agned et la 12e bataille sur la colline de Badon, le mont Badon. Et que là, 960 hommes tombèrent en un seul jour avec une seule charge d'Arthur. Et il mentionne également qu'Arthur, justement, a ainsi défait les Anglais dans toute leur campagne et que ça a poussé les Anglais, justement, à augmenter leur nombre. Il ne mentionne pas de mort pour Arthur. Et il mentionne simplement que, après ces victoires d'Arthur, de plus en plus d'Anglais arrivèrent et renforcèrent leur pouvoir. Donc c'est le premier, en fait, qui mentionne Arthur explicitement associé avec ces conflits contre les Anglo-Saxons. C'est aussi le premier qui mentionne la figure qui va devenir, sous l'influence de Geoffroy de Monmouth, Merlin, sous la personne d'Emrys, évidemment, vous l'aurez peut-être reconnu. Mais donc c'est la première version, en fait, le proto-Arthur. Alors on ne sait pas d'où il sort tous ces détails. Est-ce qu'il y avait vraiment une traduction avant Nennius? C'est possible qu'il ait des sources qu'on n'ait pas, que des sources galloises effectivement mentionnent. Nennius écrit en latin, hein. Donc peut-être qu'il y a des sources galloises effectivement, ou des contes gallois racontaient cette histoire associée, ou alors peut-être que justement c'est quelque chose de développement assez tardif, qu'il y avait un héros nommé Arthur qui existait indépendamment et à qui on a associé, et qui avait une liste de batailles. Les Gallois aiment bien faire des listes de tout et n'importe quoi. Et ça ressemblerait, ce serait effectivement pas étonnant qu'on ait pu ajouter. Mais simplement l'invention de la bataille du Mont Badon, et on va le voir, il y a d'autres sources qui mentionnent Arthur et le Mont Badon. Les Annales Cambriais. Une chronologie du Xe siècle. Les Annales Cambriais. Ouais. Cambriae, Annales Cambriae. Les Annales Cambriae, donc bah, les Annales de Cambrie. De Cambrie, du Pays de Galles. Enfin. De Cambrie, c'est. Elles sont rédigées au Pays de Galles, et la Cambrie, c'est en partie le nord du Pays de Galles, mais elles mentionnent en fait à peu près des événements partout en Bretagne en fait. Donc contrairement aux précédentes chroniques, c'est pas vraiment un texte suivi, un récit suivi, c'est plus une sorte de liste d'années avec des événements qui se produisent. Liste d'événements de façon assez succincte et dans des manuscrits qui ont été parfois assez altérés au fil du temps, mais il mentionne justement deux dates pour Arthur, la bataille de Badon, qui précédemment, qui chez Nennius était sa dernière bataille. Là, ça devient juste une bataille où il dit que Arthur a transporté, brandi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits sur ses épaules. On pense que c'est peut-être une mauvaise lecture, et que c'était plutôt un bouclier croisé, un bouclier avec une croix. Et les Bretons ont gagné. Il y a une autre mention, la bataille de Camlan, dans laquelle Arthur et Medrawd, qui deviendra plus tard Mordred, sont morts. Donc on a deux batailles de nouveau qui étend cette tradition d'une série de batailles, sauf que cette fois-ci, la bataille du Mont Badon est toujours importante, mais on a une nouvelle, Camlan, qui deviendra à partir de là la bataille durant laquelle Arthur meurt. Alors Mordred, plus tard, deviendra le fils incestueux d'Arthur. Pour l'instant, il semble que ce soit juste... Avant que ce soit établi, c'est plus un de ses généraux ou un neveu ou... Ça reste pendant très longtemps un neveu, c'est assez tardivement qu'il devient un fils incestueux. Par contre, on va le voir chez Geoffrey, les actes incestueux de Mordred sont assez manifestes assez tôt. Le manuscrit qu'on a des Annales date autour de 970, 960, 980, donc fin du Xe siècle, alors que Nennius écrivait autour de l'an 800. Donc est-ce que c'est Nennius qui a directement influencé les Annales de Cambrie? Est-ce que c'est une tradition beaucoup plus ancienne? Mais en tout cas, on a... quand même deux indices qui associent et qui manifestent qu'en tout cas au Xe siècle, on associe très nettement chez les Gallois Arthur, le Mont Badon et cette figure de résistance et de lutte contre les Anglo-Saxons. Et ça correspond effectivement du côté, on l'a mentionné avant, mais à toute une quantité de récits plus fantastiques, plus proches de ce qui vient de venir des romances arthuriennes, en langue vernaculaire galloise, qui mentionne Arthur comme plus un héros mythique. Donc cette figure nationale, un peu de héros national, a quand même une littérature régulière sur lui, non pas historique, mais vraiment purement fictive. Donc c'est quand même une figure très importante et qui est fortement associée à cette idée de résistance, ce qui explique peut-être que ça ait connu du succès assez tardivement, en fait. Et on va enfin, jusqu'à assez tardivement. Ouais, jusqu'aujourd'hui, en fait. Mais... Mais en tout cas, assez longtemps pour devenir et prendre de l'importance au fur et à mesure que les Gallois subissent le joug un peu les Bretons subissent le joug anglo-saxon. Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou, c'est moi, dissèque un élément d'un jeu vidéo, un signe vidéoludique, et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid, le score dans le premier Mega Man, le choix dans The Stanley Parable, la difficulté à rebours dans Braid. Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa. Donc, pour l'instant, on va passer à d'autres sources qui donnent un angle assez différent sur le personnage, des vides saints où Arthur est un personnage beaucoup moins valorisé. Et ensuite, on va passer au vrai fondateur, entre guillemets, de la tradition de chronique, Geoffroy de Monmouth et ses successeurs. Mais avant, peut-être juste résumer un peu ce qui s'est produit là, c'est-à-dire qu'on avait des personnages, Ambrosius Aurelianus, qui combattaient pour la Bretagne contre les Saxons, qui sont devenus, sous Nennius, ce personnage d'Arthur. On a déjà un personnage qui est le prélude de Merlin, qui s'appelle Ambrosius ou Amrys. Qui a une sorte de destinée un peu prophétique, de connaissance de la magie. On a des motifs fantastiques, contrairement à Gildas ou à Bed. Là, chez Nennius, on a des dragons sous une tour qui se battent, qui s'effondrent. On a des... Ce qui est peut-être l'indice que c'est lié à des traditions, galloises plus proches de la mythologie galloise, disons, que des chroniques assez historiques de Bed ou de Gildas. Mais en tout cas, c'est là qu'on commence à avoir ce versant fantastique qui est plus juste une espèce d'histoire racontée. Il y a vraiment Arthur qui tue 960 ennemis à lui tout seul en une charge. Donc c'est pratiquement un surhomme, un guerrier. C'est plus seulement un tacticien ou un général exceptionnel, c'est un guerrier exceptionnel. Ce qui rejoint en fait notre première mention dans la God Odin, il a réussi à tuer des gens bien qu'il ne soit pas Arthur. Enfin, ce que Nennius mentionne aussi, ce sont des anecdotes qu'on pourrait dire folkloriques sur par exemple la tombe du fils d'Arthur, Amr, je sais pas comment ça se dit. Amr. Omar. Qui dit qu'à chaque fois qu'on essaie de la mesurer, elle est d'une longueur différente, et il dit « je l'ai mesurée moi-même ». Il parle également d'une pierre où il y a une empreinte de chien qui serait le chien d'Arthur. Donc on voit que je parle de surhomme, c'est déjà un peu comme Superman qui a son super chien, Arthur. C'est ça, on a plein de littérature galloise qui mentionne des tas de listes. En fait, les Gallois aiment bien faire des listes de trois surtout. Les triades galloises, qu'on mentionnera un peu quand on parlera des textes gallois purement, sont une source inépuisable des trois héros de l'île de Bretagne, les trois massacres rouges de l'île de Bretagne, les trois séducteurs de l'île de Bretagne, les trois grandes lances de l'île de Bretagne, les trois grandes épées de l'île de Bretagne, les trois grandes batailles de l'île de Bretagne, les trois grandes cours de l'île de Bretagne, les trois grands prêtres de l'île de Bretagne. Vous avez des ensembles de trois à peu près pour tout et n'importe quoi. Et on mentionne régulièrement dans ces triades des éléments arthuriens, justement. C'est souvent des membres de la cour d'Arthur, c'est souvent Arthur, ses armes, ses Excalibur, c'est ce genre de choses. Donc il existe une mythologie galloise forte, et Nennius en fait est un peu cette espèce d'indice dans cette mythologie galloise qu'on a transmise dans le côté historique. C'est-à-dire que la mythologie galloise a certainement pas forcément énormément inspiré directement à cette époque-là les premières sources arthuriennes. Elle a peut-être inspiré plus les auteurs de romances arthuriennes ultérieures ou peut-être Mallory. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se demander à ce moment-là aussi, est-ce que, c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce qu'il y a un Arthur historique ? Et je pense que c'est là qu'en fait on se rend compte qu'il y a, ça n'a pas vraiment de sens de se poser la question. Avec les éléments qu'on a, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu dis un Arthur historique ? Est-ce qu'il y a eu un leader breton contre les Saxons ? Ou est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Arthur ? Ou est-ce que ça veut dire... Si tu veux un personnage qui s'est battu contre les Saxons, il y en a six que raconte Gilles, c'est vrai, même si Ambrosius n'existe pas. Mettons qu'Ambrosius et Arlinus n'existent pas du tout. Mettons qu'il n'y ait pas forcément d'autres personnes. Il est très probable quand même que, si Gildas a raison, il y a eu un chef de guerre. Et que, alors, est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que ce chef de guerre est celui qui a donné naissance au mythe arthurien, ou est-ce qu'on a calqué sur ce mythe des héros préexistants, ou peut-être même postérieurs, et qu'on a simplement associé à cet idéal, ou est-ce que ces batailles n'ont pas du tout existé, mais qu'on y a associé quand même des héros qui ont existé ? Ça, ce serait possible d'imaginer un héros celte prédatant la conquête romaine, même, qui ait régulièrement été associé à des fêtes comme ça. Simplement, on n'a pas assez de sources pour juger, on n'a surtout pas de sources archéologiques. Ça, c'est évident. Donc, on n'a pas vraiment les moyens de dire il y a un Arthur historique ou il n'y a pas d'Arthur historique. Ça, c'est un non-sens de trouver un Arthur absolument historique parce que ça n'a finalement relativement peu d'influence après sur les textes. À partir de Nennius, on est clairement dans une dimension où le personnage d'Arthur est un héros légendaire. Donc là, c'est intéressant après, effectivement, du point de vue de la construction du mythe, de se dire, c'est un héros, une personne qui a été peu à peu déifiée. Mais il paraît de façon incertain que même ce qui est raconté qu'un dixième de ce qui est raconté dans Nennius soit vrai. Donc de toute façon, ces légendes celtes, ces légendes de Nennius ne sont probablement pas basées sur des faits historiques réels. C'est là que ça commence vraiment la tradition littéraire du roi Arthur. C'est là qu'on peut dire. Il n'y a pas vraiment de tradition. On peut dire qu'il n'y a pas en fait de tradition historique, si on veut. Il y a toujours un détachement réel avec l'histoire. Même si c'est vu comme quelque chose d'historique, par exemple chez Geoffroy, qui a écrit l'histoire des rois de Bretagne, ou chez Nennius peut-être même, on a quand même une dimension qui est déjà nettement fictive. C'est des héros de fiction, d'une certaine manière. Ouais. Même si la notion de fiction, effectivement, est problématique quand on parle de littérature médiévale, parce que notre distinction entre fiction et réalité, non-fiction, extrêmement stricte et claire, ne l'aurait pas forcément été pour quelqu'un du Moyen-Âge. On a des romances écrites sur Octave, par exemple. On a une romance octavienne, mais qui décrit un Octave qui est totalement différent de l'empereur romain. Mais ça n'est pas pour autant. Est-ce que ça veut dire que cette personne était vraiment vue comme l'Octave historique ? C'est peut-être plus intéressant quand on se pose des questions comme la romance Richard Cœur de Lion, qui est écrite quelques dizaines d'années après sa mort, et où il massacre des Sarrasins et mange leur cœur. Mais c'est moins intéressant pour ce qui est du roi Arthur, qui a de toute façon vécu à peu près au moins 500 ans avant qu'on commence à écrire, qu'on écrive régulièrement dessus, quoi. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. On voudrait particulièrement remercier Zozopède, Typhon et Justine Breton pour leurs commentaires sur ce premier épisode, et on s'excuse auprès de cette dernière pour nos anglicismes, et parce qu'effectivement on a utilisé le terme fantastique de manière un peu libérale. On parlerait plutôt de registre merveilleux si on voulait être technique. C'était notre première émission, mais vous pourrez retrouver les autres sur radiokawa.com, Kawa avec un K, et vous pouvez vous abonner au podcast sur le site, sur iTunes ou sur quelque autre application que vous utilisez pour gérer vos podcasts, en y cherchant donc le nom de l'émission. Vous trouverez dans la description de cet épisode la liste des textes qu'on a évoqués et des liens vers ceux-ci quand ils sont trouvables en ligne. N'hésitez pas à nous communiquer vos commentaires ou vos questions ou à nous dire ce que vous attendriez dans la suite de l'émission. En effet, la prochaine fois, avant d'attaquer la tradition des chroniques avec Geoffrey de Monmouth, où la littérature arthurienne telle qu'on l'entend habituellement prend vraiment son essor, on va mentionner un Arthur plus fragmentaire et atypique, tel qu'il nous apparaît dans les quelques traditions galloises qui nous sont parvenues, ou dans certaines vies de saints chrétiens. Et on vous dit donc à la prochaine fois. Dans TVNR, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TVNR, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa.